cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Donc ces versets, l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi les a cités هنا لإثبات صفتي السمع والبصر. أي الله سبحانه وتعالى c'est le سميع et c'est le بصير. أي il entend et il voit عز وجل. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الشاهد لقد سمع الله أي الله سبحانه وتعالى il a entendu هؤلاء اليهود quand ils ont dit هذه الكلمة. قال عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Donc, هذه الآيات فيها إثبات صفتي السمع والبصر. وتقدم معنا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي سيشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمع قول هذه المرأة. قال شيخ الفوزان وهي خولة بنت ثعلبة تجادلك أيها النبي أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت. دونك هذه المرأة كي venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم pour se plaindre. الله سبحانه وتعالى سمع قولها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا ça montre clairement أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de السمع أي il entend عز وجل il entend tout. ثم قال le verset suivant أو on finit plutôt celui-là قوله تعالى والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما في الكلام إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. Donc الله سبحانه وتعالى il entend جميع الأصوات. Tous les sons سبحانه وتعالى il les entend. وكذلك يبصر كل المخلوقات et il voit toutes les créatures جل وعلا. من جملة ذلك كما قال الشيخ الفوزان أن الله عز وجل il a entendu la parole de cette femme au prophète عليه الصلاة والسلام. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية. فالله سبحانه وتعالى سمع قول هؤلاء الكفار qui ont prétendu أن الله عز وجل فقير أي هؤلاء اليهود ces juifs qui ont prétendu أن الله عز وجل فقير. هذا من باب الكبر والعناد عيدا بالله. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم أي ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء, il entend tout et il entend même السر. السر c'est le fait de parler à voix basse. وما يسرون به في أنفسهم. بل الله سبحانه وتعالى يعلم ce que l'insan y pense. او يتحدثون به سرا. Et quand deux personnes y parlent à voix basse, peut-être que أنت, si tu es dans la même pièce, tu n'entendras pas grand-chose, ou peut-être que tu n'entendras rien. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, même si ha'oula, il parle vraiment à voix basse, fallah subhanahu wa ta'ala yisma. Et même si wahad il ne parle pas, il ne prononce pas, et il pense quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu dhalik. Qala, wa najwahum. فالله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم. السر donc c'est parler à voix basse. وقوله ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم. والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. C'est ça النجوى. أي مثلا si trois personnes ils sont dans un même endroit, dans une pièce, et deux ils se parlent entre eux, et ils laissent le troisième. C'est ça le najwa. Le fait de parler à son compagnon et de laisser un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Il entend هذا الكلام qui sont entre ces deux personnes. قال حفظه الله تعالى والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفي عن غيره بلى. أي قوله بلى. أي نسمع ذلك ونعلم به ورسلنا لديهم يكتبون. الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. هذه المعاني لابد من وقفة لنتأمل. On doit s'arrêter pour méditer sur ce genre de verset. فتأمل أن الله سبحانه وتعالى il nous entend. Et Allah سبحانه وتعالى il entend السر. Même quand on parle à voix basse. Même quand on parle très doucement à quelqu'un. Le fait de parler doucement dans son oreille pour que il n'y a que cette personne qui écoute, un autre il écoute pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges qui notent tout ce qu'on fait. قَوْلُهُ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Des anges, ils écrivent tout. Ils sont daïman avec l'insan. Et il note tout ce que cet être humain il fait, que ce soit des paroles, des actes, etc. Ça doit nous pousser à mal, ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, c'est le raqib, c'est le sami', c'est le basir. Et taqaddam ma'ana, dans notre dars sur l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, أن هذا سأكبر زاجر. On avait lu un kalam jamil de l'imam Shanqiti rahmatullah alayhi. وهكذا دي parole de l'imam Ibn al-Qayyim عليه رحمة الله في هذا الباب. Et ça c'est parmi les fruits bénéfiques d'étudier هذا المعتقد الصحيح الصافي. Ça fait partie des fruits bénéfiques d'étudier cette croyance. On n'étudie pas la croyance une simple culture, une simple étude, des connaissances, des prises de notes, de la mémorisation et ça s'arrête là. هذه العقيدة c'est une conviction qu'on doit avoir dans notre cœur. وإذا صلح القلب, si le cœur il est bon, si le cœur il se purifie, si le cœur il se remplit de iman, فصلح البدن كله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc هذه c'est des فوائد عظيمة. قال حفظه الله تعالى قوله إنني معكما أسمع وأرى. يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما. فالله سبحانه وتعالى quand il a envoyé موسى et son frère هارون عليهما الصلاة والسلام فقال لهما إنني معكما أسمع وأرى. قوله إنني معكما سيأتي معنا un باب sur صفة المعية أن الله سبحانه وتعالى لمع خلقه إنني معكم وهذه سلمعية الخاصة هي المعية عامة أن الله إليه avec tout le monde Il est ma'a al-jami'. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et on verra, incha'Allah, ensemble, anna al-ma'iyya al-amma, et anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'ana bi'ilmih. Et il nous voit, il nous entend, il sait tout. Wa illa fa, Allah azza wa jalla, il est au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans la créature, mais il est au-dessus de la créature, et il est plus grand que la créature, et c'est le créateur. Et hada, incha'Allah ta'ala, on le détaillera ensemble plus tard. Amma al-ma'iyya al-khassa, c'est bi'ma'na al-hifz wa al-nasr. C'est pour ça que Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala قال أي بحفظي وكلاءتي ونصري إنني معكما أي الله سبحانه وتعالى il a annoncé à Moussa alayhi salatu salam et à son frère أنه il va les secourir. Il est avec eux. Et si Allah سبحانه وتعالى il est avec le mu'min, personne ne peut le battre. Personne ne peut lui faire du mal. Sauf si Allah سبحانه وتعالى il décrète هذا. قال أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه وهذا تعليل لقوله تعالى لا تخافا. Et هكذا ce verset il y a des فوائد عظيمة منها أن si tu crains Allah سبحانه وتعالى si tu suis son messager صلى الله عليه وسلم si tu fais des efforts dans ton dîn, si tu es sincère, فَلَا تَخَفْ. Ne crains pas les créatures. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِ إِلِي مَعَكْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les gens pieux, ceux qui font des efforts, ceux qui font des efforts dans leur dîn, ceux qui font des efforts pour apprendre, pour mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les mu'minin. Donc si tu fais des efforts, ne crains pas. N'aie pas peur des autres créatures. N'aie pas peur des djinns. N'aie pas peur de tel être humain. N'aie pas peur de la pauvreté. N'aie pas peur de shaitan. Et Allah Azza wa Jal, si il est avec toi, Inch'Allah Ta'ala, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui te secourra. C'est Allah Azza wa Jal qui te préservera. قال قوله ألم يعلم أي أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه. Donc ce verset فيه إثبات صفة الرؤية أن الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر. نعم أي الله سبحانه وتعالى يفوأ وسيجازي على فعله أتم الجزاء والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي قوله ألم. Ça, c'est une menace contre Hada al-Mujrim Abu Jahl qui a essayé d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le salat. Wa qawluhu alladhi yaraka ay yubsiruk hina taqoum li salat wahdak wa taqallubaka fi sajidin ay wa yarak in sallayta fi al-jama'a raki'an wa sajidan wa qa'iman innahu huwa as-sami'u lima taquluhu al-alimu bih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit quand on s'apprête à faire le salat. Kadhalik, qu'il nous voit quand on s'apprête à faire le siyam, ou à faire le hajj, ou n'importe quelle adoration. Fatastafid min hada, tu profites de hada, anna, si tu te rappelles, quand tu veux accomplir une adoration, anna Allah azza wa jal, il te voit, tu vas profiter de deux choses. La première, anna, ça va te motiver. Ça va te motiver. Et tu vas faire des efforts pour corriger ton intention. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِ il te voit. Tu n'as pas besoin qu'un tel il te voit et te complimente. Enfin, ça ferme la porte de l'ostentation. Ça ferme la porte du shirk. أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى c'est lui qui nous a créé. C'est lui qui nous a ordonné de l'adorer. Enfin, si on l'adore, فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il nous voit. Ça, c'est le premier point. Ça nous motive. Le deuxième point, كَذَلِكَ ça va te permettre de te remettre en question, de te corriger. Les anassi, et ça arrive, une faiblesse de foi, et tu délaisses une adoration parmi les adorations obligatoires, tu te rappelles, anna Allah Azza wa Jal, il te voit. Anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, il t'interrogera. Tu auras des comptes à rendre. فَقَوْلُهُ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ si on se rappelle, دائماً, أن الله عز وجل il nous voit que ça soit quand tu veux faire du bien ou du mal une adoration ou un péché, هذا, ça aide beaucoup le mu'min. قال وقوله وقل اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالله سبحانه وتعالى il voit أعمال الكفار il voit أعمال المنافقين c'est pour ça que هذا كذلك ça nous aide de ne pas s'attrister كثيراً et de ne pas désespérer et tout le mal que الكفار من يهود ونصارى وغيرهم ils font à la communauté et كذلك les hypocrites كذلك les prêcheurs de l'égarement et كذلك les innovateurs comme من الناس يفسدون في الأرض beaucoup de gens ils font du mal et beaucoup de gens ils sont injustes لكن en se rappelant ce genre de verset en se rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala il les voit et Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse faire في هذه الدنيا les hikmatin azima ils ont des comptes énormes à rendre فلهذا قال فسير الله عملكم si tu te rappelles de هذا بإذن الله عز وجل ça apaise le cœur du mu'min أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك هذه معاني عظيمة في هذه الآيات والشاهد منها قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفي هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر نعم وهو السميع البصير قوله أسمع وأرى بأن الله يرى فالسمع والبصر والرؤية توسع ثابت لله سبحانه وتعالى قال وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم Et comme on a vu Kathiran ensemble depuis le début de ce livre et dans d'autres livres, anna hadha al-ithbat, le fait d'affirmer, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il voit, il entend, en aucun cas c'est une ressemblance aux créatures. لأن الله عز وجل يسمع كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout, il entend tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son attribut et le fait d'entendre, cet attribut, il est parfait. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend jami' al-makhluqat, tous les sons, مثلاً les êtres humains. Combien d'êtres humains ils parlent à ce moment? كثير من الناس ils parlent. Et كثير من الناس ils font des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend al-jami' et il voit al-jami'. Il entend tout le monde, il voit tout le monde. Amma l'être humain, il entend, lakin son ouïe, il a des faiblesses, des défauts, des manquements. Arrivé à un certain âge, t'entends moins. Si deux personnes ou trois ou plus ils parlent en même temps, tu n'arrives pas à comprendre. Ou hakada. Qala wa annahu ta'ala yasma' wa yubsir haqiqatan ala ma yaliq bih. Fasam'un wa basarun haqiqi. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et il entend vraiment. قال منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع قال ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر نعم donc la langue arabe quand on affirme que une chose elle entend et elle voit en langue arabe, c'est que cette chose elle entend et elle voit. Khassatan, quand c'est tous ces versets avec ces formulations différentes, al-madi au passé, al-mudari au présent, ism al-fa'il annahu il est sami' wa hakada, فهذا ça montre clairement que Allah subhanahu wa ta'ala il entend et il voit. قال هذا هو الأصل فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر هذا سكلا ولله الحمد شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح أفاد il a cité une فائدة concernant السمع فقال رحمه الله والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. السمع, le fait d'entendre, quand c'est مضاف إلى الله, quand on dit Allah il entend, il y a deux sens. Le premier قال سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت. C'est ce sens qu'on vient d'étudier dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Hey, sami'a Allah subhanahu wa ta'ala yasma', les versets qu'on a étudiés ensemble, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. هنا c'est le fait d'entendre un son ou des sons. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala il a entendu cette femme parler. Le deuxième sens wasami'a bima'na al-istijaba. سمعه أي بمعنى الاستجابة أي الله سبحانه وتعالى il a entendu أي بمعنى il va répondre سبحانه مثلا si واحد lui demande فالله سبحانه وتعالى يسمع أي lui répond et bien sûr si الله سبحانه وتعالى lui répond c'est qu'il l'a entendu donc ça se contredit pas. قال فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه وليس المراد سمعه مجرد سمع فقط. نعم. Quand on dit Allah سبحانه وتعالى il a entendu le dua de un tel, c'est pas مجرد سمع. Là, il l'a entendu bien sûr. لأن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de السمع. Et كذلك الله سبحانه وتعالى il lui répond. قال لأن هذا لا فائدة فيه أو منه بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. C'est pour ça que قولنا مثلا عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فهنا سمع وكذلك استجابة فالله سبحانه وتعالى يسمع الداعي أي celui qui invoque وهكذا الله سبحانه وتعالى lui répond أما يجيب المضطر إذا دعا هكذا قال سبحانه أي الله سبحانه وتعالى celui qui répond à ceux qui lui demandent. وهكذا البصر قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه toujours dans son شرح عند قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى قال والرؤية المضافة إلى الله عز وجل لها معنيان كذلك الرؤية le fait de voir il y a deux sens le premier sens العلم et le deuxième sens رؤية المبصرات. Donc le deuxième sens, c'est ce qu'on a étudié ensemble dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Et le premier sens, al-ilm, ou al-ru'ya, bima'na al-ilm. Al-ru'ya, le fait de voir, en langue arabe, il peut avoir un sens bima'na al-ilm, le fait de savoir. Qala al-allama al-Uthaymin rahmatullah alayhi. Famin al-awwal, et c'est ce qui nous intéresse هنا, nama le deuxième sens, Allah il voit, fataqaddam ma'ana, lakin... الرؤية بمعنى العلم أي le fait de voir بمعنى العلم أي la science قال منه قوله تعالى عن يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالرؤية هنا رؤية العلم لأن اليوم ليس جسما يرى هذه فائدة قوله عز وجل إنهم يرونه بعيدا Hey, le jour, c'est pas quelque chose que tu vois. C'est pas un jism, c'est pas un corps que tu peux voir. Donc, هذا c'est بمعنى العلم. قال لأن اليوم ليس جسما يرى وأيضا هو لم يكن بعد. Et كذلك, et ça appuie le premier sens, أن ce jour, il est pas encore arrivé. Donc, tu peux pas le voir. لكن قال عز وجل إنهم يرونه بعيدا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que ce jour, c'est encore très très loin. Et Allah عز وجل قال ونراه قريبا. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ce jour, il est très très proche. Alors que l'être humain, il pense, il croit savoir que ce jour, il est encore très très loin. Ça nous montre anna al-ru'ya qad ta'ti bi'ana al-ilm. Qala wa aydan huwa lam yakun ba'd fa ma'na wa narahu qariban ay na'lamuhu qariban. Na'am. Ahl al-sunnah yuthbituna lillahi azza wa jal sifata al-sam' وهكذا صفة البصر ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح on en a parlé il y a quelques instants dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله أي les fruits de هذا الإيمان بهذه الصفات العظيمة. لكن نقرأ كلام شيخ العثيمين فهو كلام نفيس. قال رحمه الله: ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية. نعم، الرؤية والبصر، أي الله سبحانه وتعالى يفوئي لنطن. قال: أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء. دو شوز، سي تو سي كالله سبحانه وتعالى يتفوى، فنورمالمون le cœur vivant qui a هذا الإيمان qui a cette croyance ça va le pousser à deux choses: الخوف، la crainte، et الرجاء، et l'espoir. قال: الخوف عند المعصية لأن الله يراه، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. Donc ça va te pousser à craindre Allah, à avoir peur عند المعصية. Quand tu veux faire un péché, tu t'apprêtes à faire un péché, tu as l'intention de commettre un interdit, rappelle-toi أن الله عز وجل te voit. Même si tu es tout seul في غرفة مغلقة، même si tu es enfermé seul dans une chambre، même si c'est dans l'obscurité et personne te voit parmi les êtres humains، n'oublie pas أن الله عز وجل يراك. Allah il te voit dans cette situation et il sait ce que tu prépares. Il connaît ton intention. قال: ولا شك أن سيثيبنا على هذا. نعم، أي الله سبحانه وتعالى يجوجر العباد sur les adorations qu'on a accomplies et كذلك les interdits qui ont été commis et les adorations qui ont été délaissées bien sûr. قال: فتتقوى عزائمنا بطاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. ça va nous aider à faire monter notre iman et nous renforcer dans l'accomplissement des adorations, et كذلك ça va nous aider بإذن الله عز وجل à nous écarter des interdits. أما السمع قال: فالأمر فيه ظاهر، أي الله سبحانه وتعالى nous entend، فهذا c'est clair. قال: لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء. c'est la même chose. إنه quand il va dire une mauvaise parole il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt avant de dire une mauvaise parole il va se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala il l'entend. Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il prépare. L'insan il s'arrête wa yattaqillah. كذلك ça motive à faire du bien avec sa langue. Réciter le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il t'entend. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, Allah subhanahu wa ta'ala il t'entend. كذلك faire du dhikr, كذلك faire du bien, dire des bonnes paroles. قال: خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. Et هذا ولله الحمد تقدم معنا dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ce verset الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. وهذا الباب تقدم معنا في القواعد المثلى أن certain صفات ثبت لله عز وجل لكن في المقابلة. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala قال ومكروا ومكر الله. Il a cité leur makr. Al makr c'est la ruse. Al kayd c'est la ruse, le fait de ruser, de tromper. فالله سبحانه وتعالى il a cité leur ruse ثم il a cité أنه يمكر بهم. فقال عز وجل ومكروا ومكر الله، وقال عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، كذلك قال عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. donc هذا c'est في باب المقابلة. faut bien retenir هذا pour comprendre le كلام que Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى il a cité. نقرأ أولا l'explication des versets. قال وقوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال. قال المحل بسكون الحاء في اللغة الشدة أي شديد الكيد، فقوله وهو شديد المحال أي شديد الكيد. قال شيخ العثيمين في شرح رحمة الله عليه شديد الأخذ بالعقوبة، الله سبحانه وتعالى شديد المحال، فلهذا الإنسان يحذر الذين يمكرون عيادا بالله يستخدمون دي حيل أي دي غوز. هؤلاء لابد أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى شديد المحال ويمكر بالماكرين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده، ومكر الله أي استدرجهم وجزاهم على مكرهم فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. أتأملوا هذا أنهم مكروا عيسى عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام فمكروا الله سبحانه وتعالى مكر بهم ومكروا ومكر الله الله سبحانه وتعالى إلى الشديد المحال ويمكر بالماكرين فالله سبحانه وتعالى مكر بهم الله سبحانه وتعالى جعل أو ألقى شبه عيسى على غيره أي أن نتخم parmi ceux qui rusent. الله سبحانه وتعالى lui a donné l'apparence de Isa عليه الصلاة والسلام فقتلوه ils l'ont tué et ils l'ont crucifié à la place de Isa. هكذا ceux qui veulent tromper, هكذا ceux qui veulent faire du mal aux alliés d'Allah عز وجل. فلهذا si tu es sincère, si tu es véridique, même si une personne ou plusieurs ils essayent de tromper, de ruser, de mentir sur toi pour te faire du mal, اصبر et demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadak, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yakfik shar al-ashrar wa kayd al-fujjar. Demande taïman à Allah subhanahu wa ta'ala et te préserve des ruses de ceux qui essayent de ruser. Fallah subhanahu wa ta'ala yamkur bi al-makirin. Et tu as un modèle, un exemple vi Isa alayhi salatu wa salam. Qala wa rafa'a Isa ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Isa. C'est pour ça qu'en tant que croyant, on a la conviction que celui qui a été crucifié et tué, comme Ya'taqid al-Nasara, eux, ils pensent que c'est Isa. C'est pour ça que la croix, c'est devenu un emblème pour eux. Iyadam billah. Alors que nous, on a la croyance que Isa, il a été élevé aux cieux. Celui qui a été tué, crucifié, c'est pas Isa. Alayhi salatu wassalam. Et alhamdulillah, Isa, il est encore vivant. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a vu في ليلة المعراج lors de l'ascension il l'a vu عليه الصلاة والسلام عيسى il redescendra avant la fin des temps et il mourra et il sera enterré par les croyants ولله الحمد. قال والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. C'est ça la définition de le makr. Il y en a un, il peut se poser la question, on a le fait de ruser. Al-makr, pardon, ils traduisent par tromper. C'est pas un attribut parfait. Enfin, comment on peut prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut? Awlan, da'iman, tu as cette règle, anna, tu acceptes les attributs que Allah il a cités. Allah قال wa makaru wa makar Allah. Donc on accepte. Thaniyan, i'lam. Wa hada taqaddam ma'ana kathiran, anna les attributs d'Allah ils sont parfaits. Donc, هنا المكر في حق الله سبحانه وتعالى سيدور على perfection. فلهذا قال الشيخ الفوزان وأقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه. الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين. أي الله سبحانه وتعالى يمكر أي يغوز avec ceux qui rusent. أي ceux qui méritent. أما واحد qui n'a rien fait. واحد qui n'a rien fait, qui n'a pas fait de mal. فلا يجوز de dire أن الله سبحانه وتعالى يمكر به أبدا. لا، الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين. فالله سبحانه وتعالى Pourquoi Al-Makr se mène sauvat al-Kamal? Awalan, c'est pour répondre à ceux qui rusent. Et thanyan, anna Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Fahaoula qui rusent, Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihim. Pourquoi? Anna Allah, il connaît leur situation. Il les voit, il les entend quand ils rusent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, limada li annahu, il est capable de tout. Si tu as compris hada, falhamdulillah, tu comprendras que Al-Makr, l'Illahi Azza wa Jal, il est thabit contrairement à ce que Ahlul Bida'i wa Dalal, ils prétendent. قال حفظه الله وقوله ومكروا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية خوفا من أوليائه ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا أي ils ont rusé pour faire du mal au prophète صالح عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى مكر بهم ils ont rusé الله سبحانه وتعالى مكر بهم أهلكهم il les a exterminés. قال وهم لا يشعرون بمكرنا. Et c'est ça le makr. Le makr, c'est le fait de faire une chose et celui qui subit هذا المكر il s'en rend pas compte. Maintenant, ceux qui ont voulu ruser pour tuer Isa, peut-être que Isa il n'était pas au courant. C'est ça le makr. Ils font une chose et ils te font apparaître le contraire. C'est pour ça qu'on appelle cela de la tromperie, de la ruse. Il a Ils ont essayé de tuer Isa. Ils avaient des moyens, ils étaient nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala makra bihim, ils n'étaient pas au courant. Et had al makr, c'était quoi? En Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'apparence de Isa à un autre. Et ils n'étaient pas au courant. Ben, ils ont été persuadés qu'ils ont tué Isa. Et jusqu'à aujourd'hui, An-Nasara, les chrétiens, les égarés, ils pensent que celui qui a été tué, c'est Isa. Ça, c'est min makrillahi azza wa jal biha'ula. Qala وقوله وهم لا يشعرون بمكرنا وقوله إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا. Le dernier verset, إنهم يكيدون كيدا أي. Ce verset il a été révélé sur كفار قريش أي à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق أو من دين الحق وأكيد كيدا أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم. فَأَخُذُهُمْ عَلَى غِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Combien ils ont manigancé, ils ont rusé pour tuer le prophète a.s. pour éteindre cette lumière que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé avec le prophète a.s. et Allah subhanahu wa ta'ala nasara dina. Allah subhanahu wa ta'ala il a secouru son prophète, il a secouru les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. الشَّاهِدُ مِنَ الْآيَاتِ. Donc ce qu'on retient de ces versets, في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه. Donc أولا صفة المكر ثابتة لله عز وجل. لكن وبرأى كسي من باب المقابلة أي tu peux pas dire أن الله سبحانه وتعالى l'attribue du makr et tu t'arrêtes. Et encore plus grave de dire Allah c'est le makr. أي cité en forme de nom. هذا c'est interdit. Pourquoi? لأن ce nom ça fait pas partie des noms parfaits. C'est pour ça qu'il n'a pas été, on n'a pas un délil. Donc, on a bien cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut du makr. Lakin, bil makirin, on est obligé de faire cette précision. Tu ne peux pas t'arrêter et dire Allah subhanahu wa ta'ala, la usifat le makr. Là, yamkur bil makirin. Et Cheikh Al-Fawzan, hamidallah, il va préciser. Qala fa inna al makr isalu shay. Il a le ghayr bitariq khafi. C'est ça le makr. C'est faire une chose à quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte. قال وكذلك الكيد والمخادعة. نعم. والمكر والكيد نوعان. قبيح. المكر والكيد, le fait de ruser, il y a deux façons, deux catégories. Une qui est mauvaise et une c'est une qualité. قال قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. Et هذا لا يثبت لله عز وجل أبدا. C'est le fait de ruser contre un innocent. كما يفعل المجرمون. Certains ils le font. بعضهم ils leur font rien et ils rusent et ils les trompent. إما pour leur faire du mal, إما pour leur prendre leur bien, etc. قال وحسن أي مكر حسن أي qui est طيب, qui est bon, qui est bien. وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. أي c'est le fait de ruser al-makr pour quelqu'un qui mérite et qui veut faire du mal et c'est une forme de réponse. قال فالاول مذموم والثاني ممدوح والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. Vu que Allah سبحانه وتعالى il a les attributs parfaits. ولله المثل الأعلى. Et Allah سبحانه وتعالى il a les noms parfaits. Allah سبحانه وتعالى il est parfait. Donc le fait d'accepter هذه الصفة parce qu'elle est citée dans le Coran, bien sûr, c'est avec cette explication. C'est pour ça que vous avez remarqué que si on relit les versets là, après cette explication, Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil makirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala yamkur, on peut traduire par rusé, avec ceux qui font hada. On relit les versets wa makarna makran. Wa makaru wa makarna makran. Et c'est une réponse à leur mak. Wa qawluhu wa akidu kayda. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Tu trouveras daiman ces attributs al makr wal kayd en réponse à ce que Ha'oula y faisait. Donc ça, c'est une catégorie de sifat. L'ulama, il l'appelle un sifat allati tutbat bi al-muqabala. Et celui qui n'a pas étudié le qawaid al-mutla, on lui conseille de revenir au chapitre des sifat. Et il y a un point important sur cette catégorie. Ay al-makr wal-kaid wal-khida. Qala حفظه الله تعالى وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباد الله والله أعلم والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. Donc c'est une réponse. Tu trouveras jamais هذا الفعل على الإطلاق, أي sans une réponse à ceux qui rusent, jamais. قال وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. هذا سان كلام جميل. أن le fait de répondre c'est une qualité même pour l'être humain, de ne pas se laisser faire et de tenir tête aux égarés, aux injustes, tant que bien sûr la personne elle a la capacité et ça n'implique pas un mal plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait. Ceux qui rusent, Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihim. Ceux qui font du khida, Allah subhanahu wa ta'ala yukhadi'uhum. Wahum la yaj'urun. Et eux, ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, ça, c'est min tamam qudratillah. Ça fait partie de tamam qudratillah azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Amma, celui qui n'arrive pas à répondre, ça peut venir de sa faiblesse comme l'être humain. Ahyanan, بعض الناس, ils savent qu'un tel est ruse. Il leur veut du mal, lakin ils n'arrivent pas à répondre. Pourquoi? Imma, ils ne savent pas la ruse. Comment il fait هذا الانسان. Ils n'arrivent pas. Imma, ils ont peur. Imma, ils n'ont pas la capacité. Mouhim, ça montre des faiblesses. Amma Allah Azza wa Jalla est capable de tout. C'est pour ça qu'il répond à Ha'oula. Qala tanbihun. Nisbatul kayd wal makr wa nahwihima. إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها باسم الفاعل كأراد وشاء فلم يسمى بالمريد والشائي. Ça c'est un tanbih important. أن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا الفعل أو بعض الأفعال على نفسه. Et المكر والكيد بالمقابلة comme on a dit, c'est une réponse. Ne pas croire que chaque fi'l, chaque action ou chaque attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux retirer un nom. Ça, c'est une erreur très très grave. فلهذا, on n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala al-murid. Pourtant, il a l'attribut de l'irada. فَعَالٌ لِمَا يُرِيد. Et on a vu plusieurs versets sur هذا, sur l'irada et sur al-mashi'a كذلك. Donc, on ne dit pas al-murid ou al-sha'i. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le nom al-murid. Et celui qui veut, là, on accepte فقط l'attribut. Parce qu'on a des adillah. Amma, le nom, on n'a pas de délit. Donc, ce n'est pas de chaque attribut que tu prends un nom. Là, c'est l'inverse, comme on a vu dans le Qawaid al-Mutla. Chaque nom, il englobe un attribut parfait. Amma, tu as des attributs. Matalan, al-irada. Ou al-mashi'a. Cheikh Fawzan, il a cité les exemples. On peut rajouter al-kalam. Est-ce qu'on va dire que parmi les noms d'Allah, al-mutakallim? Là. Là. On dit أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام. أما المتكلم c'est pas un nom d'Allah سبحانه وتعالى. Il y a autre chose. Tu peux trouver أحيانا بعض العلماء ils emploient ce nom pas parce que c'est un nom d'Allah عز وجل لكن من باب الإخبار. C'est une information. أن الله متكلم أي il parle. لكن ça veut pas dire qu'il a ce nom. لماذا؟ لأن les noms d'Allah عز وجل c'est des noms parfaits أولا et il faut un délil. Et on n'a pas de dalil. Anna min asma illahi azza wa jal al-murid al-mutakallim. Qal wa kadha makara wa yamkur wa akidu kaydan. Fala yuqal al-makir wa al-ka'id. Et c'est encore plus grave. Lianna al-makir, ce nom, c'est pas un nom parfait. Là, l'attribut, il est parfait fil muqabala en réponse. Amma al-makir, c'est général. Al-makir, c'est celui qui ruse. هذا صافي با بارتي دي نون الله سبحانه وتعالى قال لان مسمياتها تنقسم الى ممدوح ومذموم نعم ذوك سو نون il peut renfermer un sens positif ou négatif on peut pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala لكن on attribue la sifa min bab al muqabala et en réponse si on relit les versets الان قال عز وجل ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين le deuxième verset ومكروا مكرا ومكرنا مكرا vous avez remarqué que c'est toujours في المقابلة c'est toujours une réponse à leur ruse وقوله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا et ceux qui font du كيد qui rusent الله سبحانه وتعالى كذلك يقول وأكيد كيدا أي il leur répond par rapport à leur فعل فهذا ça fait partie de la perfection des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi il a rajouté quelque chose? Na'am, qala rahmatullah alayhi dans son sharh après le dernier verset et juste avant les fawaid qu'on peut retirer de hada, qala fa ahlus sunnati wal jama'a yuthbituna hadhihi al ma'ani lillah عز وجل على سبيل الحقيقة لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله بهذا أبدا لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية et tout ça c'est pas صحيح أهل التحريف ils disent tu peux pas dire أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut du مكر même في باب المقابلة alors que الله سبحانه وتعالى le verset il est clair لكن تعلمون أن هؤلاء الضلال ils ont cité ou ils ont plutôt rejeté des attributs où il n'y avait pas, pour certains, il y a un ishkal, il y a un sens qui est négatif. Donc, Bardanès, ils ont du mal à comprendre comment tu prétends que Allah il a cet attribut. Si tu lui expliques que c'est une réponse à leur makr, Inch'Allah, c'est plus clair. Fahaoula, ils ont rejeté cet attribut. Lakin, ils ont rejeté des attributs plus clairs, comme taqaddam ma'ana. Ils ont rejeté l'attribut de Ar-Rahm. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la miséricorde. Fahamim babi, Aoula, ils vont rejeter cet attribut. Et pour eux, vu que le makr, ça peut avoir un sens négatif, tu ne peux pas dire qu'Allah il a cet attribut, عندهم même في المقابلة. Et هؤلاء كما تقدم معنا c'est des égarés. أما الفوائد que tu peux retirer de ces versets, قال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه, المكر يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلك مراقبة الله عز وجل وعدم التحيل على محارمه. Et ça c'est une فائدة importante. أن الإنسان يحذر أن الله سبحانه وتعالى ينفوى ينوزنطن وكذلك يمكر بالماكرين فأنا دوا فير attention de ne pas faire partie de ceux qui font du makr injustement ceux qui rusent ceux qui trompent les autres ceux qui essayent de faire du mal sous apparence de ils embellissent leurs actions avec la vérité alors que la haqiqa si tu réfléchis leur action c'est du mal ça c'est ça le makr. Le makr, c'est faire croire que c'est du bien alors que c'est du mal. Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihaoula. Donc on fait attention. Même si personne n'a remarqué ta ruse, même si personne n'est au courant de ce que tu prépares, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Et celui qui ruse injustement, Allah yamkur bih. Et Allah subhanahu wa ta'ala il secourt ses serviteurs, les croyants. قال فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر pour celui qui réfléchit bien sûr أي ceux qui rusent injustement et qui font du mal si ils méditent sur ces versets et ils ont cette conviction cette croyance أن الله يمكر بالماكرين normalement ça doit les pousser à arrêter de ruser injustement قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويحذر صحيح بعض الناس يفعلون des choses من الحيل pour éviter ou pour que les gens ne s'aperçoivent pas que ce qu'ils font c'est du haram Et les gens, donc, ils pensent que ce que cette personne, elle fait, c'est du halal. Et fait la haqiqa, cette chose que cette personne, elle fait, c'est interdit. Il a cité deux exemples sur Ibn Uthaymeen. Un exemple avec Al-Bay, avec le commerce. Et on l'a déjà vu dans Sharh Riyad Salihin, dans notre deuxième dors. Et on va lire ensemble le deuxième exemple. Fi Al-Ankiha, par rapport au mariage. Qala Rahimahullah. Mithalun fil ankiha, parmi les ruses de certains. Pardon, ils font du moqueur, ils rusent pour rendre une chose haram halal. Ayyadan billah, et pour profiter de certaines choses. Qala mra'atun talaqaha zawjuha thalathan. Une femme, son mari la divorce trois fois. Wa ta'lamuna anna l'homme si il divorce sa femme trois fois. Et il la divorce, thumma il la récupère. Thumma il la redivorce une deuxième fois, thumma il la récupère. La troisième fois, cette femme, elle devient haram. Il n'a plus le droit de se remarier avec elle que sous une condition, que cette femme, elle se remarie avec un autre homme, bien sûr avec un contrat sahih, authentique, et que cet homme, il ait des rapports avec cette femme, et son mari. Thumma, si son nouveau mari, ou plutôt son deuxième mari, il la divorce, elle a le droit de se remarier avec le premier. Ça, c'est dans notre dîn, Hakada, pour la femme qui est divorcée, qui a été divorcée trois fois. Qala fala tahillu lah illa ba'd zawj. Faja'a sadiqun lah. Fatazawwajaha bi shart annahu mata halalaha, yani mata jama'aha, talaqaha. Fafa'ala تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول. انظروا هذه المصيبة. Et ça arrive, عياذا بالله, أن cet homme qui a divorcé cette femme trois fois, on قدر dans notre exemple qu'il regrette. Il ne veut plus se remarier avec cette femme tant qu'elle ne se remarie pas. Et vu que cet homme, il peut craindre que cette femme, elle se remarie avec un autre homme et ça se passe bien et son nouveau mari, le deuxième mari, il ne la divorce pas. Le premier homme, et son ancien mari, il ne pourra plus jamais se remarier avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'accord avec un de ses amis. Et en général, c'est avec de l'argent. Ou une connaissance, mouhim. Il le paye pour qu'il demande cette sœur en mariage. Donc, cet homme, il va demander cette femme en mariage. Elle n'est même pas au courant. Et c'est que la femme aussi, elle est au courant. Et tout le monde se met d'accord pour que cette femme, elle revienne halal au premier. Et c'est une moussiba. Donc que la femme, elle soit au courant ou pas, ça reste très très grave. Mohim, cet homme, il se marie avec cette femme, avec un akt. Et chez le juge, avec un contrat de mariage, avec une dot, avec des témoins. Tout ça pour faire apparaître quoi? Pour faire croire à tout le monde que cette femme, elle s'est remariée et après le divorce, donc, il n'y aura aucun mal que le premier la redemande en mariage. Donc, cet homme, il se marie avec cette femme, il a des rapports avec elle, iyadun billah, c'est très très grave. Et, Huna, tu te poses la question, l'état du cœur du premier mari, comment il accepte ça? Cet homme, il fait ce faux mariage et il a des rapports avec cette femme, thumma huwa, il se remarie avec elle. Donc cet homme, après avoir eu des rapports avec cette femme, il la divorce. Kadhalik, il la divorce chez le juge, etc. Et dès que la idda est venue, il y en a cet homme qui la divorce, il peut la récupérer. Lakin la idda, comme ta'lamoun, c'est trois cycles de règles. Donc il attend, il la récupère pas. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Si l'homme ne récupère pas sa femme après, même si c'est le premier divorce et la idda est finie, c'est plus sa femme. Il peut se remarier avec elle, lakin avec un nouveau contrat, etc. Ouais, c'est pas son but, donc il la laisse. Donc le premier mari, il attend que la idda elle finit. Dès que la idda, la période, elle finit, il la redemande en mariage. Il la redemande en mariage et ça redevient sa femme. Hada, c'est haram. Et ça, c'est une ruse. Cheikh Ibn Uthaymeen, pourquoi il a cité hada? Qala, famata alimna anna Allah asra'a makran wa anna Allah khayr al makirin. أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. لماذا؟ لأن هؤلاء في الحقيقة ils ont rendu une chose haram halal avec cette ruse. وإلا cet homme normalement il a pas le droit de se remarier avec cette femme dans cette situation. Et ce mariage il est باطل. Cette ruse qu'ils ont fait, elle est batila, le contrat il est pas sahih inda ahl al-ilm. Lakin si haoula ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala et ils sauraient Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil makirin, peut-être que ça les empêcherait de faire hada. Wallahu ta'ala a'lam. Donc stafadna kathiran fi hada ad-dars. Et on résume, on a étudié ensemble walillahi alhamd deux points, ou deux, c'est dans le livre de Sheikh Fawzan, c'est sous forme de chapitre. Le premier, les attributs de As-Sam'u wal-Basar wa Ar-Ru'ya, en Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et il voit. Et on répète, c'est un Sama' et un Basar et une Ru'ya haqiqiyya. Allah, il voit vraiment et il entend tout. Subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas aux créatures. Et hada, ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, on a étudié ensemble le deuxième chapitre sur les attributs de Al-Makr wal-Kayd. Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil makirin. Wa stafadna anna ces attributs nuthbituha fi al-muqabala. Al-muqabala, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on dit yamkur bil makirin. Et il ruse avec ceux qui rusent. Wa lillahi alhamd, on a très bien compris avec l'exemple de Isa. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa ath-thabat, et on passe à notre deuxième dars. Bi'idnillah azza wa jal. On encourage les frères à réviser ces chapitres. Et kadhalik, on encourage les frères à mémoriser le matn. Léana, vous avez remarqué que la parole de Cheikhoul Islam le Taymiyyah, pour l'instant, c'est que des versets du Coran Karim. Et ces versets sont très très importants. Léana, si tu apprends ce matn, chaque point de l'aqida, quand certains ont parlé les fondements, tu auras un délil. Tu connaîtras un délil par cœur. Maintenant, si on te demande, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de As-Sam'u wal-Basar, tu pourras répondre. Tu pourras répondre, Allah subhanahu wa ta'ala, قال, Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah, il entend. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit? Na'am. Et tu pourras citer des preuves. قال عز وجل, innani ma'akum asma' wa ara. J'entends et je vois. Hakada قال عز وجل, il entend et il voit, subhanahu. Donc, on encourage nos frères à apprendre par cœur le matn. Khasatan, cette période de confinement où la plupart d'entre nous ne travaillent pas et restent à la maison, on en profite. Ne pas perdre son temps. Sabah, dormir. La nuit, veiller devant telle chose et telle chose. Peut-être que c'est du haram. Fahada, c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend, on en profite. Beaucoup de nous, on cite à Hyanan des excuses. Anna, je travaille, je fais telle chose, je peux pas, je suis occupé. Al-An, tu es chez toi. Minallah subhanahu wa ta'ala, et tu peux en profiter. Tu es chez toi, donne du temps. Walou, une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, et tu apprends maintenant al-wasitiyya. Bi idnillahi azza wa jal, à la fin de ce confinement, dès que tu sortiras, tu auras appris un matn. Min mutun ahlil ilm al-kibar, dans le sujet le plus important, aqidatu ahlis sunnati wal jama'a. Bah, profite-en, akhil karim. Profite-en. C'est une force. Peut-être que ça reviendra pas. Beaucoup de gens là, ils sont pressés à sortir. Il a akhiré. C'est un khir azim si tu réfléchis. C'est un énorme bien. Et peut-être que cette occasion, elle se représentera plus. Peut-être qu'après, tu seras occupé, il a akhiré, jusqu'à ta mort. Et tu n'auras plus l'occasion d'apprendre. Mithla hadha al-matn. Et hakada al-Qur'an, et hakada celui qui n'a pas appris les 40 nawawiyya. Et tu te fais un programme. Vu que tu es toute la journée, tu ne travailles plus et tu es chez toi, un programme. Tu t'isoles si tu peux. Et hakada, celui qui a des enfants ou qui est marié, s'entraide avec ses enfants, avec son épouse. Et alhamdoulilah, on occupe notre temps avec le khayr. Il y en a beaucoup de nas, comme ta'alamoun. Leur préoccupation, c'est de trouver comment s'occuper. Le temps pour eux, il ne vaut rien. لماذا لأنهم يكونس pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Beaucoup de gens, ils sont perdus dans deux bienfaits, ils ne connaissent pas la valeur. الصحة, la bonne santé, et الفراغ. Et cette épreuve là, elle touche à ces deux bienfaits. La santé, beaucoup de gens ils tombent malades, ils arrêtent, et الفراغ, le temps. C'est pour ça que بعضهم ils essayent. Et ils sont appuyés par Al-Kuffar, par les égarés. Ils leur donnent des programmes. C'est pour ça que les chaînes de télé, ils ont fait telle chose. Il y a des rediffusions de telle chose. Des programmes gratuits pour les occuper. Et bah, donc, ils ne savent pas comment faire. Pourquoi ils ne connaissent pas la valeur? Amma al-alim wa talib al-ilm. Yahmadillah, c'est une force azima quand il trouve du temps où il est seul. Oh, il n'est pas occupé par autre chose. C'est une force azima. Il en profite pour réviser ce qu'il a appris par cœur. Il y en a, si tu révises pas, ça s'oublie très très vite. Pour faire les recherches qu'il a besoin, pour apprendre des nouvelles choses. Et, alhamdulillah. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.